certains se moquent même, se moquent de qui, de qui. Allez au diable, allez au diable, oui, allez au diable. Et toi, toi, toi, ce regard de mépris, de mépris triste. C'est deux, trois vers de trop. Deux, trois vers de trop. On me snob, snob, car je suis. Ce bon vieux Boris Vian, j'irai cracher sur vos tombes, cracher sur vos tombes. Ouais.